إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous avons commencé déjà les quatre règles. Là nous en sommes au cours numéro 3 des quatre règles. Et nous avons vu donc les introductions. Et nous étions arrêtés, si je me souviens bien, voilà ici, sur le fait que ce qu'avait dit l'auteur, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّ الصَّلَاةَ إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ. Donc, ça c'est juste avant, hein? Ça c'est juste avant. C'est juste avant la première règle. Parce que j'oublie à chaque fois de sortir. Donc, premier. Maintenant que tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'a créé pour que tu l'adores, sache que l'adoration n'est digne de ce nom que si elle est accompagnée du tawhid. De même que la prière n'est digne de ce nom qu'avec la purification. D'accord ? Qu'avec la purification. Non, c'est bon parce que j'ai la suite. إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَإِنَّ الْعِبَادَ لَا تَكُنْ صَحِيحَ يَرْضَاهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا إِذَا تَوَفَّرَ فِيهَا شَرْطَانَ إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. Donc il dit, Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله, il dit que lorsque tu sais maintenant pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé, maintenant tu le sais, c'est comme on avait vu, ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans sourate al-Dhariyat, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Là maintenant tu sais pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé, pour que tu adores Allah. Donc maintenant tu le sais. Maintenant, il dit que l'adoration ne peut pas être correcte, ne peut pas être correcte l'adoration, et qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, excepté si elle a deux conditions. Excepté si elle a deux conditions. Donc, tu sais maintenant pourquoi Allah Azza wa Jalla t'a créé, pour que tu l'adores. Mais maintenant, pour que tu l'adores, l'adoration ne peut pas être correcte, et ne peut pas être agréé auprès d'Allah Azza wa Jal, excepté si elle a ces deux conditions. D'accord ? Et s'il manque une de ces deux conditions, eh bien, elle est invalide. Elle est invalide. Shartul awwal an takuna khalisa li wajhi Allah. La première condition, c'est qu'elle soit faite sincère, ne voulant qu'Allah Azza wa Jal par cela. D'accord ? Ne voulant qu'Allah Azza wa Jal par cela. Ça, c'est la première condition. Sincérité dans l'œuvre que tu fais. Sincérité pour Allah Azza wa Jal, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tu ne le fais que pour Allah Azza wa Jal. Laysa fiha shirk. Il n'y a aucun associationnisme dans cela. D'accord ? Aucun type de polythéisme. Fa in khalataha shirkun batulat. Si l'associationnisme, le polythéisme, se mélange à l'œuvre que tu fais, à l'acte d'adoration que tu fais, elle devient invalide. مثل الطهارة إذا خالتها حدث بطلت. Comme les ablutions, si par exemple tu fais les ablutions et que tu te mets à avoir des gaz, eh bien, elle devient invalide. Ou bien que tu as fait les ablutions et puis, à chaque fois que tu vas aux toilettes, ça y est, ça invalide ça. D'accord ? كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك هذا الشرط الأول. Tout comme l'œuvre, l'acte d'adoration. Tu le fais, tu adores Allah Azza wa Jal, puis tu te mets à lui associer quelque chose, eh bien, elle devient par cela invalide, ton adoration. D'accord ? Ça, c'est la première condition, sincérité vis-à-vis d'Allah Azzawajal dans l'acte d'adoration que tu fais. Tu t'assures que tu ne la mélanges pas avec n'importe quel type de polythéisme, d'associationnisme. Ash-shartu thani, la deuxième condition, al-mutaba'a lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam, le suivi de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa ayy 'ibada lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fa innaha batila wa marfuda. Tout acte d'adoration dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, n'a pas enseigné, n'a pas autorisé, n'a pas permis, toute œuvre d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu avec, n'a pas transmis, eh bien, cet acte d'adoration-là est invalide et rejeté. D'accord ? لِأَنَّهَا بِدْعَ وَخُرَافَ, car c'est une innovation et... Il dit des histoires... Hein? Comment on dit? Il radote, quoi. D'accord? C'est dire des choses... parce que ça ne fait pas partie de la législation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas venu avec. Charlatan. Voilà, vas-y. Charlatanisme, tu vois ce que veut dire quelque part. Il dit des choses, yani, qui ne font pas partie de la législation d'Allah, azzawajal. Donc, si tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné, ou a fait, ou a montré, eh bien... ton acte d'adoration que tu fais est invalide. Elle n'est pas acceptée auprès d'Allah Azzawajal et elle est rejetée. Parce que c'est une innovation. Car c'est une bid'a, une innovation. وَلِهَذَا يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. C'est pour ça que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلِهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Quiconque fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre se verra rejeté. Wa fi riwaya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Quiconque invente, d'accord, ahdatha, c'est-à-dire qu'il a inventé, quiconque a inventé quelque chose qui ne fait pas partie de notre ordre, cette chose-là sera rejetée. Hein? C'est clair. T'as wahed, il veut faire quelque chose à un nez, qu'est-ce qu'on lui dit? Ramène le délit, l'akhi. Mais chacun, il n'y a pas de... Tu coupes court aux discussions. On ne reste pas argumenté. Tu veux faire quelque chose? Ramène le délit, l'akhi. Et on va, notre balance, c'est quoi? Allah a dit, prophète, ça, c'est bon. Tu coupes court aux discussions. C'est pas, je pense que, mais où est le mal? Non. On ne reste pas trop à inventer, voilà, à se prendre la tête. Tu vois, Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. Suivez et n'inventez pas, n'innovez pas, car ce que vous avez, le Coran et la Sunna, sont suffisants. Tu vois? Barakallahu fikum. Fala budda an takuna al-ibada muwafiqan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. La bi istihsanat an-nas wa niyyatuhum wa maqasiduhum ma dama annahum lam yadul 'alayha dalil min ash-shar' fa hiya bid'a wa la tanfa' sahibiha bal tadurruhu li annaha ma'siyah. وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ تَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. D'accord ? Donc il est essentiel, il est obligatoire que l'acte d'adoration soit en conformité avec ce qui est venu avec le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas en fonction de ce que les gens ont rendu bien. Ou bien en disant, ben, mon intention elle est bonne. D'accord ? Ou bien, mon but, il est bien. Parce que le but ne justifie pas les moyens en islam. Ça, c'est la voie de Machiavel. D'accord ? Ça, c'est la voie des sectes égarées parmi les Ikhwan et tout cela. Ils utilisent le but, justifie les moyens. Peu importe le moyen que tu utilises, l'essentiel, c'est d'atteindre le but. Non, ça, c'est interdit dans le din. Le but doit être légiféré halal et le moyen que tu utilises doit être légiféré halal. Par exemple, oh, on veut que la communauté musulmane eh bien, soit mieux. Ou qu'elle se fasse entendre, etc. Il y en a, ils vont te dire, eh bien, vas-y, on va faire des manifestations pour montrer notre voix. Ceci, c'est haram, les manifestations en elles-mêmes. D'accord ? Donc, tu ne peux pas utiliser un moyen qui est illicite pour un but qui est noble. Tu dois peser le moyen, il doit être halal, permis, et le but, il doit être halal, permis. Non. Tu vois ? Ça, c'est très important, ça. Ouais, je veux d'un pauvre, je vais aller voler, par exemple. Voilà. On va vendre de la drogue aux mécréants pour les éliminer, ou la RMT, et qu'il y ait plus de... Et en plus, ben non, mais même dans ça, c'est complètement faux, ça. Pourquoi ? Parce que le but, c'est qu'on souhaite qu'Allah Azza wa Jal guide ses égarés, ses mécréants. Ouais, en plus, ouais. On leur souhaite pas la mort. Écoute, on leur souhaite, on aimerait qu'ils fassent partie des gens du paradis. Donc, comment ? En les invitant à l'islam. En leur montrant le haq, en leur montrant et en patientant face à cela. Tu vois ? Donc, mais par exemple, quelqu'un il va te dire, eh bien, il va, je sais pas moi, il va vendre de la drogue, il va vendre du shit, ou il va voler. Le but c'est quoi ? C'est d'aider à une construction d'une mosquée. Le but, il est noble. Aider à une construction d'une mosquée, tu sais la récompense c'est quoi ? Cependant, le moyen qu'il utilise, il est haram. Il est interdit. Il est illicite et il n'est pas permis. Tu vois ? Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une incompatibilité. Il y a une incompatibilité entre le moyen utilisé et le but. Il veut voler pour donner de la sadaqa. Voler, c'est haram. Donner la sadaqa, le but, s'il est bon. Mais non, tu peux pas. Il y en a, ils disent, par exemple, si on bloque de l'argent, mais les intérêts, là, ces intérêts-là, on les donne. Voilà, subhanallah. Mais même en cela, cet argent-là, t'as les intérêts, ils sont haram. Le souhaiterais-tu que tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin pour qu'il mange du haram, d'une substance qui est haram? C'est pour ça que même cela, les ulama ont dit que ceux qui ont des comptes avec des intérêts et tout cela, et qui savent les intérêts, eh bien, ils doivent s'en débarrasser sans rechercher une intention de récompense. Ils vont acheter hachet comme les produits de toilette, par exemple, pour la mosquée. Pas avec une niya que ça va aider la mosquée, hein. Mais ils doivent s'en débarrasser. Et non pas tu les donnes... C'est pas bien de les donner à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il va se nourrir avec quoi? Du haram. Excuse-moi, quoi qu'il en soit, si t'achètes ces produits-là pour la mosquée, t'es pas récompensé, quoi qu'il en soit. Non, t'es pas si récompensé. Tu dois t'en débarrasser. Mais pas pour la mosquée, pour aider à la construction. Non, c'est haram, ça. Non, bien sûr. Mais dans les produits ménagers. T'as un mefelen, achète le papier toilette, tu vois. Truc comme ça, tu t'en débarrasses. Ouais. Mais ne le donne pas à quelqu'un. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La yu'min wahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. » Personne d'entre vous croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Donc toi, tu sais qu'il y a un frère dans le besoin. Tu ne vas pas lui donner du riba, qui est haram. Toi, tu ne le souhaiterais pas manger avec du riba. Ouais, tu ne souhaiterais pas mettre de la nourriture dans le ventre de tes enfants qui sera du feu de l'enfer, Audou Billah. Donc ne le souhaite pas à ton frère. Donc tu t'en débarrasses dans... Yanni, ok, non. Et justement, je reviens à ce que j'ai dit. Le fait que, par exemple, tu prends l'argent du riba, tu achètes les produits ménagers. Tu as cette intention-là pour t'en débarrasser. Est-ce que tu es récompensé ? Non. Est-ce que c'est haram ? Non, parce que tu t'en débarrasses, tu dois t'en débarrasser. Et t'es pas récompensé. Et tu ne dois pas rechercher une récompense. D'accord. Tu vois ? Ouais, d'accord. Tu dois pas rechercher une récompense en te débarrassant de l'argent qui est haram, qui est dans ce ribet-là. C'est pour ça que... Et toi, tu peux le faire aujourd'hui, c'est faisable. D'accord ? Tu dis à ta banque, parce que tu dois avoir un compte en banque, parce que dès que tu travailles, ils vont te demander un rib. Donc, tu dis à ta banque, écoutez... Je suis musulman, les intérêts sont haram, faites-moi un compte sans intérêt. Et ça, ils te le font. Ouais, et ça, ils te le font. Mais il faut leur écrire, il faut leur dire. Il ne faut pas leur dire non, imagine, il va croire que je suis un musulman. Mais bien sûr, on est des musulmans, on n'est pas des. On n'a pas le droit de l'acheter comme ça, c'est-à-dire s'en débarrasser, c'est aussi. On peut déchirer ou bien voler cet argent-là. Ah, mais bon, si tu aides dans les trucs, sans rechercher la récompense, tu t'en débarrasses, les produits ménagers, et puis voilà. Juste on se tient sur ce que les savants ont dit comme ça, inchallah. On ne fait pas de ta'wil, tu vois ce que je veux dire, de notre part. Donc, ce qu'il dit, il est... Donc, première condition, premier point, on avait vu. Tu sais que Allah Azza wa Jal, pourquoi Allah Azza wa Jal t'a créé ? Pour que tu l'adores. Maintenant que tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'a créé pour que tu l'adores, l'adoration n'est correcte que si elle a les conditions. Première condition, l'ikhlas. Et deuxième condition, la sincérité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Deuxième condition, al-mutaba'a le rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu les preuves vis-à-vis de cela. Et comme il disait le cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah, il dit فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا باستحسانات الناس ونيتهم ومقاصدهم ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية وإن زعم أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل. Donc le juge c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Si tu fais une œuvre, elle doit être sincère vis-à-vis d'Allah. Premier point. Deuxième point, elle doit être en conformité avec le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a enseigné. Donc, s'il n'y a pas de preuve, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fa celui qui fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre, se verra rejeté. » Dans Sahih Muslim. Donc, il dit, ce n'est pas le fait que les gens, ils voient que, je vois pas où est le problème, voilà c'est bien. Voilà, ma niya, elle est bien, mon cœur il est pur, je sais pas quoi, tous les discours qu'on entend là. Elle ne sera bénéfique en rien à celui qui fait cette béda. Pourquoi? Parce que déjà c'est une béda. Et il ne sera pas récompensé, mais il recevra un péché, parce que c'est une ma'asiya. T'imagines? Lui, même s'il pense qu'il se rapproche d'Allah Azzawajal par cela. Tu vois? Ce n'est pas... Yani, le majel, laïsa maftouh. C'est pas par exemple, c'est ouvert à tout le monde, et puis, hada, il pense que c'est bien, ou hada, il pense que c'est pas bien. La preuve, Allah Azza wa Jalla dit, وَعَاسَ أَن تُحَبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous aimez une chose, mais c'est un mal pour vous. Toi, tu peux croire qu'il y a un bien, tu vois pas où est le mal dans ça, tu crois que, mais non, c'est bien, on fait de mal à personne. Mais c'est un mal, pourquoi? Parce que c'est une désobéissance, c'est une ma'asiya, c'est un péché, et tu reçois un péché, et en plus, tu n'es même pas récompensé. Tu as perdu ton temps, tu as laissé ta famille, tu as laissé tes enfants, et en plus, tu n'es même pas récompensé, et en plus, tu as usé de ton temps, de tes efforts et tout cela, et en plus, subhanallah, tu pêches. Et c'est contre toi, en fait. Et c'est contre toi. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il est essentiel et obligatoire que lorsque maintenant tu fais cette ibadah, l'acte d'adoration, elle a ces deux conditions. Sincérité envers Allah Azza wa Jal et suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. Donc jusqu'à ce que l'acte d'adoration que tu fais, parce que tu as fait des conditions, sincérité, suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu te tiens sur des preuves. Pourquoi tu fais ça? Out daily. Tu vois? Tu te tiens sur des preuves. Allah Azza wa Jalla dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc là, maintenant, en faisant cela, eh bien, l'acte d'adoration que tu fais sera correct et sera bénéfique à celui qui l'a fait. D'accord? فَإِنْ دَخَلَهَا الشِّرْك فَإِنْ دَخَلَهَا الشِّرْكٌ بَتُولَتْ. Et s'il fait rentrer de l'associationnisme dans son acte d'adoration, elle devient invalide. وَإِذَا صَارَتْ وَإِذَا صَارَتْ مُبْتَدِعَ لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِينَ فَهِيَ بَاطِلَ أَيْدًا. Donc là, il dit les deux points. Si tu fais rentrer du shirk, مثلاً تصلي, tu rentres dans la mosquée, tu pries. تصلي ركعتين تحية المسجد. Ton intention, c'était de la faire sincère pour Allah Azza wa Jal. Et ta niya, c'était que c'était une nafila. D'accord? Et que c'était une salette. Donc les trois points de la niya, ça doit être sincère pour Allah, que c'est une salette et que c'est une nafila. Ça c'est une niya que tu ne prononces pas interdit, c'est haram. Tu dois le dire dans ta tête. Donc là, il fait ça sincère pour Allah. Puis après, yotrol dans sa ibada du shirk. Il se met par exemple à yotawwal fi salette parce qu'il sait que les frères le regardent, mathalan. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il fait rentrer, il associe à autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc là, elle invalide son... Pour plaire aux gens. Bon, après, il y a une différence sur les savants, sur est-ce que ça, l'intention c'était au départ, qu'il voulait plaire aux gens, ou là, c'est dans... Au cours. D'accord? Certains tiennent le fait qu'ils disent que si c'est au départ, déjà si c'est au départ, elle est invalide. Si ta niya, c'est que tu vas faire une niya de salette pour que les gens disent de toi, mashallah, et pour montrer aux gens, tu vois, déjà elle est invalide, elle est nulle. Mais si elle vient entre-temps, certains disent, ils espèrent. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'elle est venue entre-temps, mais il la repousse. Shaitan, il vient, ta, vas-y. Hein? Et il essaie de la repousser. Ils disent, Alhamdulillah, ils espèrent que c'est accepté. Mais celui qui ne la repousse pas, certains disent qu'elle n'est pas acceptée, d'autres disent, parmi les savants, qu'ils espèrent qu'elle sera quand même acceptée parce que l'intention de départ a été faite pour Allah. Et d'autres disent que la partie, donc, hein, qui est rentrée le shirk, elle n'est pas valide. C'est pour ça qu'ils disent qu'elle sera invalide en elle-même. Donc, tout acte d'adoration que tu fais rentrer du shirk, ou que tu fais, donc ça, c'est pas sincère pour Allah, ou bien, tu fais un acte d'adoration, mais il n'est pas légiféré. Il n'y a pas de délit. Pourquoi tu fais ça? J'aime bien. Femni? Eh bien ça, ce n'est pas accepté auprès d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Elle est invalide, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conforme, ni sincère pour Allah, et ni selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bidoun hadayn al-shartayn. Bidoun hadayn al-shartayn. Oui, exactement. Bidoun hadayn al-shartayn. La fa'ida min al-ibad. Sans ces deux conditions, l'acte d'adoration que l'individu fait ne sert à rien. Sincérité vis-à-vis d'Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en conformité à sa sunna. Non. Donc s'il n'y a pas cela, l'acte d'adoration ne sert à rien. Jusqu'à la fin, en fait, c'est vraiment. Non. C'est-à-dire que déjà dès le départ, si t'as mis, ça c'est clair, là, il le sait, elle n'est pas du tout valide dès le départ. Non. Mais si elle commence, comme tu dis, au bout du compte, eh ben tiens, je commence à voir que les gens. Ça c'est une mouche là, ça. Si tu la repousses, Inch'Allah qu'elle l'accepte, mais si tu la repousses pas, que tu la laisses faire, là ça commence à. Et que tu l'agresses, ça, oudou billah. Tu gâches tout. Et toi, Akhi, barakallahu fik, tu vas pas rester en disant, ouais, de toute façon, il y a une divergence, certains disent. Tu vas rester dans le chac. Tu sais même pas si elle va être acceptée. Donc vaut mieux que tu vois, tu fais les efforts que, de toute façon, la première chose que le fils d'Adam sera questionné le jour de la résurrection, ce sera sur la prière. Donc ces gens-là, à qui on essaie de faire plaire, ou on essaie de faire je sais pas quoi, ou alors on essaie de d'embellir ou quoi que ce soit, rien du tout. Tu vois, tu seras seul, tu devras rendre des comptes seul, tu rendras compte seul devant Allah Azza wa Jal. Personne ne peut prier pour toi, personne ne peut jeûner pour toi, personne ne peut faire des bonnes œuvres pour toi, personne ne peut t'empêcher de faire des péchés si toi-même tu n'empêches pas de cela. Tu ne fais pas un frein à cela. Donc c'est pour ça qu'on doit à chaque fois se renouveler notre intention. Ce qu'on parlait dans le cours précédent. Donc, bidoun hadhain al-shartayn. لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. Donc sans ces deux conditions, l'acte d'adoration ne sert à rien, parce que ça ne fait pas partie de ce qu'Allah عز وجل a légiféré. والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Et Allah عز وجل n'accepte pas, excepté ce qu'il a légiféré. Lorsqu'Allah عز وجل dit إن الدين عند الله الإسلام, la religion qu'Allah agrée, c'est l'islam. Mais quel islam? C'est l'islam qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, et non pas ceux de ceux que les gens ont inventé. Allah Azza wa Jal a fait descendre le livre, a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on laisse ça de côté et on essaie de penser quelle œuvre pourrait être bien. Subhanallah. Tu vois? Donc, ce qu'Allah Azza wa Jal agrée, c'est seulement ce qu'il a légiféré dans son livre ou sur la langue de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve qu'elle est venue complète. Naam. فلا هناك احد من الخلق يجب اتباعه الا الرسول sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que il y a personne des gens qu'on se doit de suivre excepté l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des gens comme par exemple les gouverneurs ou bien les savants qu'on suit seulement s'ils suivent ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Yuttaba' wa yuta' idha taba' ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Amma idha khalafa ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam fala ta'. Yaqulu ta'ala ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul wa uli al-amr minkum. Wa uli al-amr hum al-umara wa al-ulama. Fa idha ata'u Allah wajibat ta'atuhum wa ittiba'uhum. أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là il dit bien clairement ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui ont l'autorité sur vous. Il a dit, et ceux qui ont l'autorité sur vous sont les umara, c'est-à-dire les gouverneurs, et les savants. S'ils obéissent à Allah, leur obéissance devient obligatoire, et également leur suivi. Mais s'ils opposent l'ordre d'Allah, alors il n'est pas permis de les obéir, ni de les suivre. Cependant, il faut souligner un truc, tu ne te rebelles pas. D'accord ? C'est pas par exemple tu dis je ne l'obéis pas et puis tu t'okhruj ali, ou là tu sors, ou là tu engraines les gens, va manifester pour avoir notre droit et tu essaies de faire un niqilab. Ça c'est haram dans le din. C'est haram dans le din. C'est pour ça que les ulama ont dit que la première fois qu'il y a eu une manifestation en islam, ça aboutit à la mort de Othman ibn Affan. D'accord ? Jusqu'à ce que ce khariji lui a tranché la tête en brandissant la tête de Othman ibn Affan en disant je n'ai pas vu une plus mauvaise tête que celle-là. Alors qu'il était Othman ibn Affan sur la montagne de Uhud avec Abu Bakr al-Siddiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, lorsque Uhud, la montagne de Uhud avait tremblé, il lui a dit, sois ferme Uhud, tu as au-dessus de toi un prophète, un Siddiq, un véridique pour Abu Bakr al-Siddiq et deux martyrs pour Omar ibn Khattab et Othman ibn Affan radiallahu anhu majma'in. وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول هذه هي العبادة الصحيحة. ça c'est fait partie des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a informé que Othman ibn Affan et que Omar ibn Khattab radiallahu anhum seront morts en martyr. Il a attesté ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce qu'il dit est une révélation inspirée d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui lui dit. Sourate An-Najm. D'accord ? Donc, فَمَنَ الَّذِي يَسْتَفِيد مِنَ الْعِبَادَ ? Qui donc peut bénéficier de l'acte d'adoration qu'il fait ? المستفيد من العبادة هو العابد نفسه أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. مثلا لو انت جاوي ça. Non, je suis en train de mélanger les feuilles. Attendez. Oui, donc nous avons terminé avec ce point-là. Bon, on va s'arrêter ici parce que ça va être l'heure du Maghrib et on va continuer inshallah. Barakallahu fikum. La semaine prochaine sur les quatre règles. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك